Lettre 14e, en mer, par le 4e degré de latitude nord. Un nuage grisâtre, précurseur des tempêtes, paraît sur l'horizon, s'élève rapidement, étend au loin ses flancs chargés de grêle, embrasse une partie de l'atmosphère, qui s'obscurcit et répand une odeur soufrée. Et bientôt un mugissement sourd, profond, annonce aux matelots attentifs qu'un grand péril le menace. Les chants ont cessé. Un silence effrayant leur succède. D'un regard, le danger est mesuré. Le chef parle, on obéit, on s'empresse, on vole. Les voiles serrées ne reçoivent plus le vent qui mugit et siffle au milieu des cordages. Le navire cède insensiblement au mouvement rapide des ondes. Perché sur la pointe des mailles des vergues, le matelot redouble d'audace. L'ordre est à peine donné et déjà l'on a obéi. Ce ne sont plus ces hommes lâches et efféminés. Dont mille écrivains barbares peignent le découragement à l'approche du danger. Ce sont au contraire des marins intrépides que les éléments coalisés ne peuvent émouvoir. À côté de la nue et au fond de l'abîme, ils sont constamment les mêmes. Ils bravent la foudre avec autant de sang-froid que les roches souterraines. Mais le bruit redouble, le nuage plane sur le bâtiment, le flot frappe le flot, l'éclair sillonne la nue, la déchire. De ses flancs ténébreux, s'échappe par torrents et les vents et la grêle. Le navire est emporté. La rapidité de ses mouvements enlève les ressources. L'obscurité la plus profonde les rend inutiles. Le bruissement des vagues, les éclats du tonnerre, le sifflement des cordages, le craquement des machines étouffent la voix. On n'entend que celle de la tempête. Mais le vent baisse, le jour renaît. La foudre gronde dans le lointain. L'oreille en suit le roulement avec tranquillité. Le matelot indique d'une main fatiguée le sillonnement des éclairs qui ne peuvent plus l'effrayer. Il oublie en un instant le danger qu'il vient de courir et par de nouveaux refrains semble le provoquer encore. Je ne sais, mon ami, si je t'ai donné une faible idée d'un grain qui nous assaillit aujourd'hui par le 4e degré de latitude nord. Ah, que je t'aurais fait une séduisante description de Paris. Nos messieurs disent pourtant que ce n'était qu'une rafale. Attendons.